Fils de meunier, Gaston Couté, né en 1880, fut un poète anarchiste. Il publia à 20 ans la chanson d'un gars qui a mal tourné. En voici deux extraits. Les taureaux. Bourgeois, nous sommes des taureaux captifs en vos arènes rouges, aux yeux d'une foule de gouges, de michets et de maquereaux. Bourgeois, nous sommes des taureaux. Bourgeois, nous sommes des taureaux que l'on torture et que l'on tue, et votre bêtise institue une gloire pour nos bourreaux. Bourgeois, nous sommes des taureaux. Bourgeois, nous sommes des taureaux qui démoliront nos barrières, et ce jour-là, dans vos derrières, nos cornes feront des accrocs. Bourgeois, nous sommes des taureaux.